Kim Gi-nam, vice-président du comité central du Parti travail de Corée, a rencontré le vice-coron Hari Shigupta, administrateur général adjoint de l'Institut international des études du Jutsu et autres chefs de délégation et délégués des organisations d'études des études du Jutsu.